À l'occasion de la Journée du Soleil, la maison d'édition Angkor Thom du Cambodge a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, inaugurant une nouvelle période de prospérité dans l'édification d'une puissance sportive avec l'esprit révolutionnaire du Baekdu.